de mon cœur vivra ta jeunesse. Comme une prière du temps de l'enfance, ces mots sur tes lèvres me donnent confiance. Imagine ta main dans la mienne, nos moindres sourires voudront dire je t'aime. Mais l'un de nous s'en ira le premier, il fermera ses yeux à jamais dans un vite et je te retrouve. Quand nos mains se tiennent, j'oublie tout le reste. J'ai l'impression même que le temps s'arrête. Sourires voudront dire je t'aime.